coat and split up. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Les Émotions sur Radio Gémozo après 8 mois d'absence avec la pandémie du Covid-19. Je suis Charlie, Kevin, Benoît, Yann, Anaïs, Bérangère. Tout au long de ce programme, les participants chacun va proposer une chanson. Le but étant, mais vous le savez puisque vous suivez assidûment l'émission, de découvrir qui a pu choisir le titre et surtout qu'est-ce que ça provoque comme émotion et pourquoi ce titre. C'est bien ça. Alors là, dispositif un peu exceptionnel, hein. Merci à Radio Gémozo de nous accueillir. Puisque les jeunes attendaient quand même avec impatience cette émission qu'elle puisse reprendre. Donc on est effectivement trois dans le studio avec port du masque, une autre qui est en régie, Yann qui est en régie, et puis ma collègue et Anaïs qui sont à côté. Donc on va tourner. Nous sommes bien là, hein, nous sommes bien aussi présentes, mais nous sommes dans une petite pièce adjacente. Tout à fait. Et c'est bien parce qu'on croit qu'elles sont un peu au bout du monde, qu'elles nous appellent depuis le milieu du Pacifique en pleine croisière. Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence avec le premier titre. Quelle farceur, Benoît. retour à l'antenne de Radio Gemozo, les émotions. Alors, on a entendu ce titre. Alors, le but maintenant, c'est un petit peu de savoir déjà vos impressions sur ce titre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Kevin? Bonne musique d'Indochine. Ouais. Ah, t'as déjà reconnu qui c'était alors, toi? Bon, j'ai surtout entendu Charlie Lee. Je connaissais déjà la musique. D'accord. Je pense que tout le monde connaissait la musique, puisqu'on l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu cet été. Ah, je sens qu'il y a peut-être Anaïs qui veut nous dire quelque chose, ou Yann? Bah, j'aime pas Indochine. T'aimes pas Indochine, donc voilà, Yann au moins c'est clair net, c'est tranché. Tu connaissais déjà cette musique ou pas? Ouais, oui. D'accord. Anaïs? Bah, moi j'aime bien Indochine. D'accord. En tout cas, pour démarrer la matinée, c'est quelque chose de très remontant, là. C'est, C'est punchy, hein, c'est punchy. Alors, qui a compris de quoi ça parlait, cette chanson? J'ai pas très bien compris le thème de la chanson, j'ai juste compris « Je suis la fille, je suis le garçon ». Moi non plus. Alors, moi, je pense qu'il parle... Vas-y. Ils évoquent, en fait, ils célèbrent quelque chose. Ils célèbrent la joie, le bonheur d'être ensemble. La fête. Ouais, et comme tous les titres d'Indochine, il y a souvent plusieurs sens hein, aux paroles. Ouais. Bon, Yann, toi, tu n'as pas aimé. Comme ça, au moins, c'est clair. Clair, net et précis. Alors, votre... bon, du coup, alors, ça ne peut pas être Yann, en fait. Déjà, on sait que ça ne peut pas être Yann. Ou alors, il bluffe, tu veux. Il fait un coup de poker, peut-être, Yann. Ah ouais. Alors, selon vous, Yann, bah tiens, qui aurait pu choisir cette chanson? Alors, moi, je pense que c'est Charlie, parce que moi, d'où je suis, je voyais à travers la porte, et Charlie se balançait, il était motivé, il bougeait la tête. Je pense qu'il est fan. Je crois qu'il aime bien, effectivement. Est-ce que c'est lui, Kevin? Bah, selon moi, j'hésite entre Benoît et puis Charlie. Ah ouais, tu penses que ça peut être moi? D'accord. Parce que je voyais souvent Charlie danser la musique. Comment expliquer ça? Il regardait souvent en l'air, il avait l'air de bien aimer la musique. Mais vous aussi, Benoît, j'avais l'impression que... Ah ouais. Oui, j'aime bien. Kevin, t'as le droit de le dire. C'est parce que Benoît est un petit peu plus âgé. C'est la génération de Benoît, c'est ça? Ouais. On ne te capte plus, Bérangère. Bérangère, tu passes sous un tunnel. Oui, c'est vrai que c'est plus ma génération que la vôtre, hein, évidemment. Mais donc toi, vas-y, il faut que tu te positionnes entre Charlie et moi-même. Ah, je vais trancher sur vous, Benoît. Sur moi? D'accord, ok. Donc Yann, toi, tu as dit Charlie. Kevin a dit Charlie. Charlie? Moi, je pense. Ah, dis, Benoît, pardon. Oui, Benoît. Je pense que je vais dire Benoît. D'accord, donc ça fait deux voix contre moi. Bérangère et Anaïs? Moi, je penserai Charlie. Ah, deux. Et Bérangère? Charlie aussi. Et Marion? Moi, je sais qui c'est, donc. Ah, bah oui, forcément. Donc, je peux pas donner mon avis. Exact, oui, bien sûr. Alors, qui a choisi ce titre? Eh ben, ce n'est pas moi. Ah, c'est pas Charlie? Eh ben, sachez que c'est pas moi non plus. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est au téléphone à cette heure-ci, non? Bon, ben, allez, c'est moi. Elle a été forte, Bérangère. Personne n'a voté pour elle, effectivement. Hein. oups, là, ça peut tomber. Oui, Indochine, groupe génial. J'adore. Tout ce qu'ils ont pu écrire, ça a toujours été des tubes, des succès. C'est une musique, c'est du rock, quoi, c'est entraînant. Et cette chanson, elle a été écrite pour les 40 ans du groupe. Le groupe aura 40 ans fin d'année, même début 2021. Et c'est un titre qui est exprimé, comme je disais tout à l'heure, la joie, le bonheur, et puis c'était un titre anniversaire, quoi. D'accord. Voilà. Effectivement, très bon choix. 40 ans, t'imagines, carrière. C'est énorme. Bon, on passe sur un deuxième titre. En tout cas, bravo Bérangère, t'as bien bluffé. Hein. Bravo Bérangère. Bravo. Ah. De retour à l'antenne. Donc, deuxième titre, dont on va un petit peu échanger sur ce que ça vous provoque un peu, ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on commence par qui? Eh bien, Kevin. Allez. Alors, nous, moi, je ne sais pas du tout qui est cet artiste. Le nom du groupe, je ne sais pas du tout. C'est un morceau musical qu'on a l'habitude d'entendre. Ça bouge waouh! C'est un peu de la musique de déglingo, quoi, ça pète. Et ben, je verrais bien Kevin. Je pense que Kevin doit écouter ce genre de musique. Oui, moi, ça m'arrive d'écouter ce genre de musique. Par contre, je me souviens plus du tout du nom du titre de celle-là, mm-hmm. ni le nom de la musique, mais oui, j'écoute ce genre de musique parfois. Alors, pourquoi tu aimes bien? Mais c'est pas la musique que j'ai choisie. D'accord. Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce type de musique? D'accord. Dans ce type de musique, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'elle a un très bon rythme, pas qu'elles ont de très bons rythmes ouais. dans ce type de musique. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est musique assez rythmique, j'aime bien. Effectivement, c'est une musique au réveil qui nous fait nous lever, quoi. Tout à fait. Charlie. Oui, c'est effectivement une musique très punch et entraînante. Alors Yann, bah c'est une musique qui bouge. Ouais, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est ton style de musique? Pas trop. Plus qu'Indochine? Ouais. Ouais. Anaïs? Bah, le style de musique, je n'écouterai pas trop. D'accord. Bon, bah moi personnellement, c'est une musique, oui, que je retourne des fois à la radio. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas le nom du groupe, de la chanteuse. Mais Charlie a l'air de savoir. Je peux le dire en restant humble. Vas-y, bien sûr. Le groupe, c'est Evanescence. Ah, c'est ce que tu as pu dire tout à l'heure pendant que. Mais c'est énorme parce que Charlie, il faut savoir qu'il y a trois notes. Et boum, il peut dire c'est Evanescence, mais il l'a fait effectivement pour tout à l'heure aussi pour Indochine, donc c'est vraiment notre dictionnaire musical. Merci, c'est très flatteur. Bon, allez, moi je lance. Moi je reste quand même sur ma position, je pense que c'est le choix musical de Kevin. D'accord, ah bah voilà, donc ça va te donner ton avis. Anaïs ? Moi je penserais à Benoît. D'accord, tu penses à moi, ok. C'est gentil. Yann ? Moi, je penserais Benoît. D'accord. Moi, ah, mais oui. Je penserais à Kevin. Deux. Ah, moi, je pensais à Kevin aussi. Hein. Ah, je penserais à Charlie. Oui. Ah, ouais, donc là, c'est un peu disparate. Oui. Effectivement, il y a une voix pour Charlie, il y en a deux pour moi, il y en a trois pour Kevin. Alors, qui ça peut être? Est-ce que c'est toi, Kevin? Non. Ah non, c'est pas toi? C'est toi, Charlie? Non, c'est pas moi non plus. Alors, je tiens à dire que c'est pas moi non plus. Alors là, c'est énorme. C'est-à-dire que ça se jouerait entre Anaïs et Yann. Anaïs, c'est toi? Non. Yann, c'est toi? Non. Bah, c'est Marion. Non plus. Non. C'est Chris. Il pouvait pas être avec nous ce matin à cause des mesures sanitaires, puisque là on affiche complet. Donc voilà, il voulait vous faire un petit coucou. Normalement, il nous écoute et donc voilà. Ah, bah, il merci avait Chris, choisi, ça va, c'est... Ouais, c'est super comme surprise. Bonjour à Chris. Il bonjour avait Chris. Choisi la chanson là, bonjour. Voilà. Et ben, on pense très fort à lui, on lui fait de gros bisous. Il doit bien rire derrière son poste. Je pense, oui. Ah bah super, donc ce n'était aucun... Mais vous en avez pris l'habitude maintenant, on aime bien vous faire des petites surprises. Bah il faut, on est là pour ça. Hein. J'ai douté, je pensais que c'était Marion à un moment donné. Ouais, moi aussi, j'ai regardé, je voyais son sourire aussi. Derrière le masque et puis non, c'est pas elle. On voit le sourire derrière le masque. Ah ouais, ça se voit, les yeux se plissent. Non mais c'est vrai que ça aurait pu éventuellement être l'un de mes choix, parce que je connais la chanson, le groupe aussi, j'aime bien. Donc ouais, effectivement, j'aurais pu choisir ça, mais j'avais pensé à un autre titre avant que Chris me donne le sien hier. Donc voilà, priorité à Chris, comme il n'est pas avec nous, voilà. Eh ben merci Chris, on pense bien à toi et merci du coup de t'être sacrifié pour qu'on puisse venir tous dans le studio. Et puis on peut ajouter peut-être que Chris pouvait pas nous contacter aujourd'hui, comme aucun auditeur aujourd'hui, on pourra pas faire la chanson surprise de... De l'auditeur, puisqu'en fait, voilà, avec nos téléphones, Anaïs et moi, en fait, on est en direct à la radio, mais par le téléphone, donc de la radio Gémozo. Et bah donc, personne ne pourra appeler. Mais oui, du coup, vous encombrez toute la ligne, quoi. Bah, techniquement, on a deux lignes, mais on n'en a qu'une qui permet de passer à l'antenne, et c'est celle qu'occupent Bérangère et Anaïs. Donc, du coup, voilà, personne à l'antenne. On pense bien que les milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce matin sont super déçus, mais ce sera pour la prochaine fois. Ouais, mais ils peuvent très bien nous retrouver devant le parking tout à l'heure et acclamer bien fort tous les jeunes. Je sais même pas si on arrivera à sortir d'ailleurs. Avec la situation actuelle. C'est pas possible, on est d'accord. Ah oui. Complètement d'accord. Et on enchaîne sur le troisième titre. Allez, c'est parti, on enchaîne. Choix et t'éloigner de moi, tu pourrais même les oublier, nos souvenirs et nos secrets. Tu sais, tu pourrais partir loin et même me lâcher la main. Je ne te laisserai jamais tomber à la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte, la vie, à la muerte, le sang et la veine pour les joies. Le sang de la veine pour les joies. pleurer, t'étais là pour m'épauler. Je sais que je ne suis plus seul, depuis toi plus jamais seul. On ne fait jamais semblant, on se blesse de temps en temps. Je te laisserai jamais tomber, à la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte, la vie, à la muerte. Le sang de la veine, pour les gens. Sache que rien n'aura changé, comme si rien ne s'était passé. Ce qu'on vit, je sais, c'est beau. Tous les deux le même bateau. Je ne te laisserai jamais tomber. À la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte. La vie, à la muerte. Le sang de la veine. Pour les joies et les peines. À la vie, à la muerte. La vie. Retour à l'antenne de Radio Gamozo. Alors moi j'avais pas du tout reconnu le duo qui chantait. Heureusement que ma voisine m'a dit que c'était Vita et Slimane. Ah j'avais reconnu. Eh ben moi pas du tout. Et puis alors du coup c'est un morceau que je connais pas du tout. Alors, moi je connaissais pas le morceau mais j'ai reconnu la voix. Bah, alors, par contre petite précision, c'est pas un duo, c'est un trio. À la maison. Ah, c'est un trio, d'accord. Donc il y a Slimane, Vita et Amel Bent. Amel Bent. Et Amel Bent. Ah, d'accord. Ah non, c'est pas Vita. Vita, d'accord. C'est une erreur. D'accord, d'accord. Alors, qui en pense quoi ? Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Ça parle de réconfort et d'amour. Ah, des thèmes fédérateurs, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'ai déjà entendu la chanson. C'est étonnant que tu connaisses Kevin, car cette chanson, on l'a jamais entendue à la radio. Moi, j'ai déjà entendu quelque part, mais je ne sais plus du tout où. Ah, peut-être sur YouTube. Peut-être. Ah. Moi, jamais entendu. Yann ? Moi non plus. Anaïs ? Oui. Donc, Anaïs nous a expliqué qu'elle l'écoutait déjà chez elle. Donc c'est un peu une fan. Alors toi tu préfères Slimane ou Vita? Les deux. Oui, c'est le duo qui t'intéresse. Bon alors là, comme vous disiez, c'était Amel Bent, mais c'est vrai que c'est un trio qu'on voit des fois ensemble sur les plateaux de télé. Ils ont l'air d'être habitués à chanter ensemble. Bon moi c'est pas trop mon style musical. Parce que tu n'es peut-être pas de la même génération que ce titre musical, Bérangère. Non, mais ça dépend ce qui est écrit, ça dépend le texte. Mais non, c'est pas ce que j'écouterais. Ça me mettrait le moral à plat, j'ai l'impression. Oui, la muerte, c'est la mort quand même, non, si je me trompe. Et voilà. Ouais, donc, ouais, non, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé non plus, mais c'est. Les voix sont belles, en tout cas, je trouve. Yann, tu penses. Est-ce que ça te plaît, toi ? Non. D'accord, donc ça non plus, ok. Donc on voit que ça avance avec Yann. Hein, de toute façon, il aime rien. Un peu ça aujourd'hui. Ironiquement, je dis ça, bien sûr. Alors, moi, je me lance. Moi, je pense que ça pourrait être Anaïs. Alors moi, je suis comme Benoît, je pense que c'est ma voisine de chaise. Elle adore. C'est pas la première fois que elle choisirait, on va dire, ce duo pour une émission. Je crois que dans la dernière ou l'avant-dernière émission, elle avait fait ce choix-là. Donc je pense aussi que c'est Anaïs. Donc quant à moi, je pense également à Anaïs parce que c'est vraiment le style, son style musical. Elle écoute ce genre de musique pour la première fois. Mm-hmm. Tout le monde se concentre sur Anaïs. Yann, tu penses que c'est qui? Anaïs. Anaïs, est-ce que c'est toi? Non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ce matin, nous ne sommes pas. J'opte pour Charlie. Comment? Je pense que c'est toi, Charlie. Allez, je le dis. Oui, c'est toi, Charlie. Eh ben oui, c'est bien mon choix musical. Eh ben, et on n'est pas fort hein, ce matin. Hein. Ouais, ah non, là, pour la reprise, non. Charlie a bien su tromper Anaïs. Ouais, tout à fait. Pareil, ouais. Cache ton jeu, Charlie. Attention. Effectivement, moi, j'ai été induit par Bérangère. Je me suis dit, ah, elle m'a convaincu. Elle me dit, c'était le style qu'elle avait déjà avant. Ça aurait pu être Anaïs, et non, c'est Charlie. Mais oui, moi j'observais ma voisine pendant tout le temps de la chanson. Je voyais ses yeux là qui pétillaient. Je la sentais, enfin, je l'écoutais chantonner. Je me suis dit, c'est bon, c'est elle. Vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi cette chanson? Oui, bah, bien sûr. Oui. Parce que j'écoute beaucoup Vita et Slimane chez moi à la maison. L'album Versus, c'est un album qui a connu beaucoup de succès en 2019. Ils ont été invités sur tous les plateaux de télé, Vita et Slimane. Et ma mamie doit certainement nous écouter. Elle aime beaucoup Vita et Slimane. Et je pense qu'elle doit connaître cette chanson. Mais moi, franchement, c'est une de mes chansons. Je vais vous dire, franchement, c'est ma chanson. C'est mon une de mes chansons préférées de l'album avec Ça va, ça vient et Pas beau. Ah oui. Eh ben, c'est complet. Effectivement. Pas beau, c'est la chanson qu'Anaïs avait choisie la dernière fois. Ouais, c'est ça. Très bonne mémoire, Charlie, c'est ça. Et en plus, le clip de Pas beau a été publié en avril dernier avec les internautes qui ont fait le clip, je crois. D'accord. Et je sais, j'ai une bonne mémoire musicale, sans me la péter. Eh, ben, dans tous les cas, voilà, on n'avait pas bon encore ce coup-ci sur. Sur qui avait choisi ce titre. Et bien, ce que je propose, c'est qu'on continue peut-être pour le quatrième, c'est ça? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. It's ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Alors, de retour à l'antenne. Ah, j'entendais mon collègue qui parlait. Musique très entraînante, beaucoup de peps, beaucoup de rythme. C'est sympa quand on fait du sport, on peut écouter ce genre de musique. Moi, j'aime bien. Les autres ? C'est une musique qu'on pourrait écouter en discothèque. Alors moi, je rejoins Charlie. Effectivement, on pourrait dire que c'est, je sais pas, une musique de DJ ou quelque chose comme ça. Que moi, je n'écoute pas, mais... Kevin ? Très bonne musique. Ah, toi, tu aimes beaucoup, toi. Oui, oui. Charlie aussi. Yann ? Je sais pas. Est-ce que tu aimes bien ? Un peu. Un peu. Mais merci pour ton enthousiasme, Yann. Je rejoins Kevin. C'est une super musique pour aller se balader en forêt pour ramasser les champignons. Hein, Kevin ? Oh. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une blague un peu privée, là, non ? Ah oui. Alors, pourquoi cette histoire de champignons ? Parce que moi, je marche beaucoup en forêt. Ouais, c'est bien, ça. Et puis, je vais souvent aux champignons. C'est très bien. En écoutant ce style de musique ? T'écoutes de la musique quand tu es en forêt ? Oui. D'accord. Ah oui. Avec un lecteur CD portable ? Non, avec mon MP4. D'accord. Ouais, t'imagines, nous, je notre mets le casque et puis j'écoute la musique, je marche et puis je cherche les champignons. Ça, c'est vachement bien. Alors que nous, avec Bérangère, à notre époque, si on partait avec de la musique, il fallait prendre le double radio cassette sur l'épaule, 8,4 kg. Je veux dire que je ne peux pas ramasser les champignons en même temps. Hein. Il existait aussi le lecteur CD portable. Ouais, effectivement. J'en remontais un peu plus loin. Mais d'accord. Donc, ouais, bon, bah, alors moi, je me lance. Hein. Je pense qu'il y a du Kevin derrière tout ça, non ? Les autres. Bah, moi, je pense que ce serait Yann, parce que je connais pas son style de musique. Ah ouais, Yann, ce serait toi peut-être alors. C'est la première fois que je suis là, que je le vois ici, à la radio. Yann, dis-nous, est-ce que tu penses que ce serait qui ? Kevin. Allez, je vais me lancer, je pense à Marion. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elle dansait derrière le poste, c'est pour ça ? Je pense que c'est pour ça. Ah oui, bah alors si c'est... Moi, je peux être derrière toutes les chansons, hein, puisque j'y connais quasiment toutes. C'est vrai que toutes. Les gens voient pas, mais Marion danse sur chaque chanson. Quand même. Celle-là, je la connaissais pas. Je l'ai découverte pour l'émission. Ce n'est pas moi, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Et je rejoins un peu Bérangère. Ça peut être une musique que je pourrais mettre pour faire mon sport. Ou à fond dans la voiture, fenêtre ouverte. Ça peut être carrément, ouais. D'accord. Mais non, c'est pas moi, désolé Charlie. C'est pas grave. Et moi je maintiens, je pense que c'est le genre musical de Kevin. Je pense que Kevin, voilà, quand il va faire sa petite balade, il fait fuir les sangliers, les biches et les lapins avec sa musique. C'est une chanson de Bérangère. Ah, c'est vraiment une chanson à champignons, ouais, moi je dirais Kevin. Eh ben, vous m'avez pour la plupart tous grillé. Ah. C'est une de mes musiques. Donc, vas-y. C'est de la musique danse électronique, chantée par Jean J. Le titre de la musique, pour ceux qui voudraient savoir, c'est Hero Tonight. Ouais. D'accord, ah ouais, c'est complet. Alors, Jean J, alors, c'est son nom de disc jockey, c'est Jean J. Oui. D'accord. Donc moi je ne connais pas, mais certainement que c'est connu par d'autres personnes. Alors moi j'aimerais avoir ta tête quand tu écoutes ça en rassant les champignons. Ça doit être assez fort à voir, quoi. Musique à fond en plus dans les oreilles. C'est vrai ? Oh, oui. C'est que pas trop à fond, hein, quand même. Ça peut faire mal au tympan. D'accord, bon, en tout cas, ouais, c'est une musique qui, je pense, permet de tenir éveillé dans la forêt. Ah oh, oui. Oui. Ah, donc voilà, bon, on a enfin démasqué quelqu'un, sachant quand même qu'il restait plus grand monde. Donc, ouais, voilà, donc Jean J, c'est ça ? Et c'est une musique qui date de quand, tu pourrais dire ? 2015. Ah ouais, déjà 5 ans. Oui, c'est récent. Alors, qui connaissait Jean J ici ? ben pas moi. Personnellement, je connaissais pas trop. Yann. Non. Non. Anaïs non plus, moi non plus. Ah, est-ce que c'est un, c'est peut-être un disjockey de des alentours de Plombière, non? Non, mais c'est le genre de musique de Luxeuil ou de. J'aime bien la musique électronique. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. Ça change et par ouais. Et donc c'est quand même bien un disjockey qui a créé ça alors. Mmh. Ok. J'allais proposer que c'est un disjockey de Plombière, Luxeuil, Frotter les Vesoul. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que. Jean-Gilles, bah moi je chercherai à petite, savoir. Petite anecdote. Ouais. Quand je suis à l'internat avec avec mes copains, on écoute souvent ce genre de musique pour ambiancer l'internat. Ah, pour ambiancer carrément tout l'internat. On ambiance tout l'internat avec ce genre de musique. Ah bah c'est vachement bien ça. Au lycée de Bain-les-Bains. Oui, oui. Au lycée, ouais, ouais. D'accord. Et vous mettez ça sur une enceinte? Oui, on met des enceintes. On règle chacun nos enceintes à fond et puis on met les musiques. D'accord, c'est le surveillant qui doit être content. Ah ben c'est bien. C'est l'internat qui se transforme en boîte de nuit, quoi. Oh, des fois, c'est en boîte de nuit, des fois. Ouais, bah après, voilà, c'est sûr que c'est important aussi de se détendre. Boîte de nuit gratuite. Dans la semaine, notamment quand on est interne. Bon, bah très bien. Donc, Jean J. Moi, je note. Alors, J-E-A-N, plus loin. Non, J-A-N, J-I. J-A-N-J-I. Mmh. D'accord, Jean J. Donc, Janji, quoi. Qu'est-ce qu'on. Pardon, vas-y. Donc, Janji à la japonaise, quoi. Je sais pas fait. Hero Tonight. Hero Tonight. Hero Tonight, ok. Mmh. Et du coup, tu sais si c'est un diminutif d'un prénom? Non. D'accord. Ok, Jean J. Eh bah, très bien. Merci pour ce choix, du coup, Kevin. On enchaîne sur un autre titre et peut-être on tourne au niveau. Voilà. Pendant que les auditeurs et nous-mêmes allons écouter le prochain choix musical, eh bien, discrètement, nous allons permuter entre les salles. Donc, du coup, je me mets où, moi ? Croyez pas, début de merda, Australie, ciao, Pérou, ciao, Danemark, ciao, ciao, ciao, puis l'Argentina qui est arrivée, et là on s'est mis à jouer. Benjamin Pavard, ça va être tout noir, oh Messi, ciao, Messi, ciao, Messi, ciao, ciao, ciao, qu'avec ton but de Olivier Thom, j'ai encore les seins qui frissonnent. Oh Donatello, oh bravissimo, oh Messi, ciao, Messi, ciao, Messi, ciao, ciao, ciao, à peine 12 ans, pour comme un gibier, à 120 il s'est fait flasher. Si tu roules à 90, ta gueule, pardon. Oh Uruguaya, eliminada. Oh Suarez, ciao, Suarez, ciao, Suarez, ciao, ciao, ciao. Avec Messi, retour au Barça, les hommes bleus sont toujours là. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. L'apparence. Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. D'accord. El but Varana, y est encore banda. Cavani, ciao, Cavani, ciao, Cavani, ciao, ciao, ciao, El but de Grisou, mais suis fait dessous. Mais Cavani, tout était où? Il est où Cavani? Il est où? Blessé. Ah d'accord. La Belgique est là, a marqué deux fois. Et Neymar, ciao, et Neymar, ciao, et Neymar, ciao, ciao, ciao, tu iras tomber au PSG. Enrichi, t'as un peu trop roulé et simulé. Aïe, aïe, aïe, aïe. Pas, c'est pas encore là. La Belgique, ciao, Belgique, ciao, Belgique, ciao, ciao, ciao. 98 et 2018. Ça rime bien pour une suite. Et 2018, ça rime bien pour une suite. C'est C'est à ce moment-là qu'on est tous là. Il ne faut plus baisser les bras. Nous voilà à l'antenne. Alors moi je vais bien parler en premier parce que c'est une chanson que je connais pas, qui m'a fait beaucoup beaucoup rire. Après ouais, je vais peut-être laisser parler les autres parce que moi j'ai compris de quoi ça parlait. Mais il faut avoir une connaissance dans un domaine bien spécifique pour comprendre. Qui a compris de quoi ça parlait? Charlie. Alors moi j'ai pas... Moi, c'est le genre de musique que je peux écouter. Je connaissais déjà la musique. Ouais. Tu connaissais déjà le titre? Et tu as compris? Bah non, mais... Tu connaissais déjà la musique, mais est-ce que tu sais de quoi ça pouvait parler? Non. D'accord. Charlie, tu étais en train de parler, vas-y. Ça parlait de la Coupe du Monde de football. Ouais. Tout à fait. Ça parle effectivement de foot. Anaïs, c'est ce que tu connaissais, toi? Pas du tout. D'accord. Là, on peut être sûr que c'est pas elle. Bon, moi, ça m'a Moi, je connaissais pas. Vas-y. Je connaissais pas. Et puis, étant donné que de là où je suis, je voyais Anaïs qui hochait un peu la tête. Donc, je me disais, bon, bah, ça doit être son choix musical. Elle aime bien. Mais apparemment, c'est pas elle. Ouais, ou alors elle Et je connaissais pas du tout ce morceau. Non, moi ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouvais ça assez marrant qu'ils utilisent. Donc c'est le nom des joueurs, hein, si j'ai bien compris, de Cavani, tout ça. Et ils reprenaient différents rythmes pour dire que voilà qu'ils avaient perdu la Coupe du Monde. 98, ça rimait avec 2018. Voilà, donc c'est on peut se dire que c'est quelqu'un qui peut aimer le foot, qui a écouté ça ou pas d'ailleurs. Ça pourrait être effectivement Anaïs par rapport au rythme. Bon, moi je me lance. Moi je pense que vraiment c'est Yann parce que aussi. Ça parle tellement de foot et Yann est tellement fan de foot. Ah oui. Ouais. Oui, bah, ça peut être, effectivement, ça peut être le choix musical de Yann. Ok. Anaïs? Moi, je dirais Yann aussi. Sans hésitation, je pense à Yann. Oula, oula, ça fait beaucoup, hein. Et Kevin? Bah, je vais rester sur Yann. Ariane, est-ce que c'est toi? Oui. Alors, de quoi elle parle cette chanson? Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Bah, ça parle de quand ils ont gagné la Coupe du Monde 2018. Mm-hmm. Et 98. Alors, qui a écrit cette chanson? Anthony Joubert. Anthony Joubert. Okay, je ne connais pas non plus, comme Jean-J. Il me semble que c'est un humoriste français qui a été... Qui a été révélé à la télé, je crois. D'accord. Il a même écrit une chanson quand le PSG, ils ont perdu la Coupe du Monde face au Real. La Ligue des Champions face au Real. D'accord. Est-ce que Yann pourrait parler un tout petit peu plus fort? Prends plus près de ton micro, Yann, ouais. Approche-le de toi, le micro. Redis voir, Yann, ce que tu as dit. Il a même écrit une chanson quand le PSG, ils ont perdu la Ligue des Champions face au Real. Ah, bah, au Bayern, non? Non, au Real. Ah, au Real, à une autre année, d'accord. Oui, il y a 2 ans. Ok, bah, je ne connaissais pas. Donc, il fait des reprises, en fait. Ouais. Parce que, à la base, c'est au Bella Ciao, c'est pas... Oui. C'est une chanson... un peu révolutionnaire d'ailleurs. Mais, c'est un chant révolutionnaire italien. C'est ça. Italien, ouais, merci. Et donc il l'a détourné. Oui. Comme font certains humoristes d'ailleurs, détourner les chansons avec d'autres textes. Oui. Bon, moi ça m'a tiré le sourire, je sais pas vous. Pas trop. Ça t'a pas fait rire? Non. D'accord. C'est ton droit, hein. On peut pas tout aimer, hein. Charlie? J'avoue, c'était drôle. C'était drôle, d'accord. Bérangère et Kevin, vous avez rigolé depuis Honnêtement, non, en fait. Et puis, on n'entendait pas super. Donc, bon, voilà, c'est un morceau musical, voilà, un peu marrant, on va dire. Mais pas... ce serait pas ma... ce que j'écouterais au quotidien. D'accord. Ouais, ok. Bon, moi, je trouve que c'est une chouette découverte. Merci, Yann, en tout cas. De rien. Pour ce choix. Merci à Yann pour les explications. Oui, aussi. Ouais, donc, juste pour quand même préciser, Yann, c'est quelqu'un qui est très, très fan de foot. Est-ce que tu peux dire si tu as un club que tu aimes beaucoup? Oui. Parle dans le micro, Yann. Bah oui, j'en ai un. Bah, c'est le Barça. Le Barça, ouais. Yann, ah, le Barça. Et il y a un joueur en particulier que tu aimes beaucoup? Oui. C'est qui? Messi. Voilà. Lionel Messi, il y en a très très fan de Lionel Messi. Voilà. On passe au titre suivant, ça vous va? Oui, on y va. On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leur contraire, mais je n'ai pas écouté. On me dit n'en fais pas qu'à ta tête, je ne vais pas me laisser faire. Je ne veux pas les écouter. Je veux que l'on m'entende. Moi, je vis comme ça me chante. Retiens le temps si tout s'arrête. Fais-moi tourner la tête, vivante jusqu'au bout des doigts. Retiens l'été quand il s'arrête. J'ai le cœur à la fête, vivante jusqu'au bout des exister. Je n'ai un patient, je vais pas hésiter. Souvent la vie te fait méditer. Y'a des choses qu'on peut pas éviter. Trop d'ambition pour m'arrêter. Y'a pour mes filles que je peux tout plaquer. Je veux que l'on m'entende. Dire qui a choisi la musique. Mais tu as la parole libre, vas-y. Alors, je pense très fortement que c'est Anaïs. Tu penses très fortement que c'est Anaïs. De là où nous sommes situés, hein, on ne voit que Anaïs dans l'encadrement de la porte, et donc voilà, on la voit bouger, le sourire, et puis la chanson française avec ce style-là, c'est quelque chose qu'apparemment elle aime beaucoup. Moi, je pense effectivement aussi à Anaïs. Bon, là, on voit qu'elle rigole beaucoup. Alors, peut-être que... On voit derrière le masque. Hein, peut-être qu'elle rigole parce qu'elle se dit « Ah, mais ils sont en train de se tromper. » Et alors, moi, stratégiquement, je me dis qu'il reste plus grand monde non plus qu'on n'a pas trouvé. Aussi. Yann, qu'est-ce que tu en penses, ce style de musique? Je sais pas trop. Tu penses que ça pourrait être qui? Anaïs. D'accord, tu vois bien Anaïs. Parce que toi qui es dans le studio, est-ce que tu l'as vu remuer ou pas sur la chanson? Oui. Ouais, elle dansait, mais d'un autre côté, elle dansait pour les autres chansons aussi. Alors, ça veut rien dire. Stratégiquement, je dirais Anaïs. C'est exactement. Alors, quel est l'auteur de la musique? Alors, Anaïs, t'es en train de parler, vas-y. C'est exactement moi, c'est Amel Bent et Imen. D'accord. Encore Amel Bent? Eh ben, ouais. Décidément, c'est une spéciale. Moi, j'en suis resté quand elle visait la lune, mais du coup, là, elle... Elle a parcouru du chemin, quand même, depuis. Depuis elle a souffert en silence, en bref. Ouais, donc Amel Bent encore, ok. C'est une chanson alors, de cette. Alors, vous voyez, moi, je confonds Amel Bent et Vita, je pensais que c'était Vita. Eh non. Non, c'est Imenes Bérangère. D'accord, bah, je ne connaissais pas. La chanteuse c'est, qui chante avec Amel Bent s'appelle Imenes. Imenes. D'accord. Ok. Donc vous êtes quand même proche dans vos choix musicaux, Charlie et Anaïs. C'est très R&B. Ouais, c'est ça. R&B français. D'accord. Ouais, c'est entraînant aussi. Hein. C'était quand même beaucoup de musique entraînante ce matin. Hein. Oui. Imenes. Et Amel Bent. Donc de c'est un tube de 2020? Oui. D'accord. Elle chante avec plein de monde, en fait, Amel Bent. Oui. Ok, donc Amel Bent qu'on a entendu deux fois aujourd'hui. Et oui. Pas en solo, mais en trio ou en duo. Là, c'est vrai, ils sont que deux, on est d'accord. Oui. Okay. Et Anaïs ne nous a pas expliqué son choix. Qu'est-ce ouais. qu'elle aime bien dans cette musique bah. Sur les paroles, c'est quoi? Le rythme? C'est les paroles. D'accord. Ça parle de quoi? Est-ce que quelqu'un peut aider Anaïs? Charlie, est-ce que tu sais de quoi ça parle? T'es pas obligé de savoir, hein. J'essaye de réfléchir aux paroles du refrain. On entend « Retiens le temps si tout s'arrête, j'ai le cœur à la fête ». Les deux chanteuses préfèrent penser au positivisme. D'accord. Alors moi, je t'avouerai que je n'ai pas trop compris toutes les paroles, donc je serais incapable de dire de quoi ça parle. Toi, tu dis que ça parle de positivisme. D'accord. Oui, exactement. Ok. Bon, ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Les gens d'à côté, là, non? J'entends la moitié de ce que vous dites. Alors, c'est vrai que les messages sont hachés, donc on essaie déjà de traduire. D'accord. Ouais. Dans tous les cas, voilà, on a bien compris le choix musical d'Anaïs. Mm-hmm. On a bien entendu apparemment les choix musicaux de chacun. Mm-hmm. On n'a oublié personne, donc c'est vrai qu'on arrive vers la fin de l'émission. Il reste encore un titre. Oui, c'est vrai en fait. On a encore une musique inconnue. Oui. Oui, je crois. Mystère. Une musique de retardataire, c'est ça que tu voulais dire? Oui. On l'écoute tout de suite. Allez. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, elle fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Un soir de novembre, un cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche, en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon lit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait l'affaire, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille au tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Retour à l'antenne. Alors, oui. On a bien reconnu Renaud. Ouais. Donc un petit chanteur qui vient de commencer. On a bien compris que ça te plaisait beaucoup, Benoît. Chanson française. C'est peut-être Marion, hein. Non, parce qu'on a dit le dernier choix musical. C'est vrai. C'est vrai, j'aurais c'est pu vrai. Bluffer et en passer un de plus, hein. Oui, donc effectivement. Ouais, alors oui, c'est moi. Alors c'était un petit clin d'œil. Voilà, je vais à un mariage ce week-end d'un ami qui hésite toujours. Il y avait une de sa famille qui jouait de la guitare. Et lui, il hésitait tout le temps entre Renaud et Brassens, parce que c'est ses deux chanteurs préférés. Je me suis dit, tiens, pour aujourd'hui, ça peut être rigolo de mettre Renaud qui chante Brassens. Bref, voilà. Deux chanteurs que j'aime bien, effectivement. Alors, qui ne sont pas des années 2020. Hein, est-ce que vous connaissez, vous, Brassens, les jeunes? Non. Oui, je connais. Ah, Charlie, tu connais? Oui, je connais Brassens. Ouais. Kevin, tu connais aussi? Ah oui, je connais. Ah, c'est bien. C'est un monument de la chanson française. Alors, effectivement, c'est pas du tout vieux génération. Il est même mort avant que moi je naisse. Voilà quoi. Ça fait partie des chanteurs les plus connus en France, qui chantaient dans les années 60, 70. Des textes très engagés d'ailleurs. Oui. Exactement. Donc voilà, c'était mon choix. C'est vrai que c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as choisi ce morceau-là. Ça t'a fait référence, en fait, à des potes, à un moment agréable, à une référence joyeuse. Ah oui, c'est un texte qui est... moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de sens derrière le texte-là. Je trouve que c'est très poétique et en même temps, les paroles sont grivoises un peu. Et c'est tout à fait Brassens. C'est-à-dire qu'il y avait... ce côté très poète pour faire, alors celle-là n'est pas trop révolutionnaire, mais il avait vraiment des textes sinon qui étaient très engagés politiquement et c'était un, moi je trouve, un grand monsieur du 20e siècle. Ouais. C'est important de se rappeler que quand on fait nos choix musicaux, quand chacun choisit pour l'émission son petit morceau musical, ça nous fait vraiment référence à des choses agréables ou non. Ah, on choisit notre musique en fonction du moment aussi. Mais le téléphone sonne. Mais c'est toujours en référence à des choses qu'on a vécues et qui nous transportent. Et puis du coup, voilà, on choisit ce choix musical. Chacun choisit un morceau qui lui fait référence, quoi. Tout à fait. Un moment de la vie, un moment de la journée, on aime bien l'écouter ou pas, ou ça peut nous rendre nostalgique, triste, joyeux, heureux, dansant. Oui. C'est ça les émotions avec la musique. Bon. Du coup, qui veut prendre la parole? Qui veut? Moi. Alors moi, je voulais juste dire que c'était une émission très attendue, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on attendait. Après, particulière, puisque tout le monde n'est pas dans le studio, on ne se voit pas tous. Donc, c'est quand même une émission qu'on a réussi à boucler, qui était agréable, on va dire, aussi, pour la reprise. Et on espère qu'on pourra faire les suivantes... tous en studio la prochaine fois, quoi. Tout à fait. Une fois que les conditions sanitaires seront... Mais alors, à mon avis, ce ne sera pas pour la prochaine fois. Pas pour la prochaine fois, mais c'est ce que je pense. Sachant qu'on essaiera de revenir en février, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas décembre avant, non? Il y a décembre aussi? Non. Non, il me semble que non. Ça, non. Bah, bon, alors, d'ici février... Tous nos fans nous attendent en février. Ouais, bon, mais, alors, d'ici février, peut-être que... Voilà, on ça nous laisse 4 selon... mois, donc bon, on verra. On verra comment ça évolue. Charlie, est-ce que tu veux, est-ce que un jeune veut prendre la parole? Parce que Charlie en a envie, je le sais, mais est-ce qu'il y a d'autres, d'autres jeunes? Kevin? Est-ce que tu veux conclure, Kevin? Est-ce que tu veux... Non, il ne veut pas conclure. Ok, bah Charlie, on te laisse la parole. C'était tellement dur. Qui a choisi la chanson de Renaud? Et sinon, est-ce que tu as un mot à dire pour conclure la mission? On peut te laisser conclure, c'est toi qui a fait l'introduction. Et ben voilà, c'est avec regret de vous, qu'on vous annonce que l'émission Les Émotions touche à sa fin. Rendez-vous, on l'espère, au mois de février. Voilà, merci à tous. Merci. Merci à tous, aux auditeurs de Radio Gémozo. Merci à Marion qui nous accueille toujours avec le sourire, même si elle masque, on voit qu'elle sourit. Voilà. Et merci à vous. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis des Vosges, de la Haute-Saône ou d'ailleurs. Tout à fait. Et à très vite. Dure quoi. Je sais pas si...